une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Marine Monster. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour le Planète Rap consacré aux Marine Monster. Ils sont là, ils sont salut, en forme, tout va bien. On est à 4 jours maintenant de la sortie de l'album Marine Monster, à découvrir toute la semaine entre 20 et 21. Résumé de la semaine, on va l'avoir dans quelques minutes, ou du moins le résumé de la soirée d'hier qui était chargé. Hein. Exactement, très chargé. On a passé une très belle soirée. Avec des invités au top de leur forme. Et puis un titre inédit quand même, Snoop Dogg, Tara McDonald. YouTube. Les Marine Monster ne font pas les choses à moitié, j'ai envie de dire. Jamais. Ça va ? Gros brava est là. Le brava. Il est là prêt à nous dévoiler peut-être quelques secrets ou quelques adresses où se tourneront les prochains clips de Marine Monster. Peut-être révéler le pays. Peut-être. Ah, vous êtes au courant ou... Toujours pas. On est en suspense. C'est le clip de J'allume, hein, qui va être tourné dans les prochains jours et vous allez partir quelque part. C'est un peu destination rendez-vous, c'est comme un truc en terre inconnue. Ouchoya. Vous allez avoir les yeux bandés, vous retrouvez d'un seul coup. Ouais. Hop. On a eu un indice. Ah. Oui, c'est le nord de l'Europe. Exactement. Donc il fait froid là-bas. Non, enfin maintenant on sait plus. Hein. Le temps, là, il y a des gens qui se baignent à Biarritz. C'est... on sait plus. Donc on saura ça peut-être nous par contre avant 21h. Comment ça va, messieurs, ce soir ? Ça va très bien. Quelle est l'ambiance ? Que va-t-il se passer ce soir ? Aujourd'hui, il y a un gros freestyle qui s'annonce du côté de Belgique, du côté du 93, de France Nord. En fait, il faut expliquer que ce soir. C'est le côté Belgique de Belgique qui nous a fait. Voilà, exactement. On va aussi présenter son solo de l'album. Voilà. Et demain soir, ce sera mon jour. Ta soirée. Exactement, voilà. Vous avez tiré au sort pour finir vendredi. Vous avez fait comment? Ouais, tout simplement. Il y a eu des imprévus du côté d'Ian Slow. Des gens, ils pouvaient pas venir. Du coup, moi, c'est toujours. Ça s'est fait naturellement. C'est un travail d'équipe, en fait. Un travail d'équipe, tout simplement. Et donc, ce soir, c'est quoi? T'as parti de Rancène qui va parler. Même pas. Il y a Bobigny aussi. Bobigny, le 9-3. Ouais. T'inquiète pas, il y a Geeks Lacalache. Ouais. Avec les mecs de Santiago. Il y a plusieurs personnes aussi. Il y a aussi les voisins des potes à moi d'enfance du 91. Ils arrivent. Ils sont en bas, là. Ils arrivent. Il y a plusieurs personnes, t'inquiète pas. Bon, je m'inquiète pas. T'inquiète pas, ouais. Tout va bien, on est avec Marine Monster et puis donc on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir. C'était une grosse soirée, écoutez. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. C'est parti pour le Planète Rap consacré à Marine Monster. Bienvenue, comment vont Ian Slow du 9, Belgique? Bonsoir à tous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'approche petit à petit de la sortie. Petit à petit, c'est J-5 avant la sortie de l'album Marine Monster à découvrir cette semaine. Je ne serais pas déçu, croyez-moi. Planète Rap, mais tu vois le nom du 9. Je n'ai pas changé depuis, je vais vous raconter ma life. En commençant par faire du sale. Alors pour toi, H. Magnum, alors un petit mot quand même sur Marine Monster et sur ces deux personnalités qui forment le groupe. Ce qui est bien avec Marine Monster, c'est que les deux sont dangereux. Tu vois, donc il y a toujours un. Tu vois, l'autre veut toujours manger l'autre. C'est des monstres. C'est un combat de monstres marins. Un combat de monstres, tu vois. Voilà, merci d'être là en tout cas, H. Magnum. En tout cas, avec ça fait super. On va continuer à parler ça dans un instant. Alors le clone de X Gang qui est là aussi avec nous. Bienvenue. Effectivement, merci. On est là. On soutient les Marine Monster. J'allume la mer. J'allume la mer. Je suis au bord de la falaise. Au bord de la falaise. Au bord de la falaise. Au bord de la falaise. Planet Rap on Skyrock. J'ai une petite surprise pour vous. Ouais. Oh. Le boss, le big boss. Le big boss. Allô. Est-ce que vous reconnaissez cette voix? Ouais, Dolly. Mon gars, sûr. Je suis fou là. C'est Maître Gims avec nous. Gims, comment va? Ouais, ça va. Je suis super content de ce qu'ils ont fait. Ils passent en radio, j'étais super content. J'ai même eu Laurent Bounot directement pour le remercier et tout, du soutien qu'il apporte à ces deux-là. Parce que voilà, ils ont tout à faire maintenant. Ils sont sur le ring et c'est à eux de boxer. Ouais, grosse exclu. Exclu total, on va balancer un morceau. Lion, Snoop et Marine Monster. Marine Monster, alors attention, le casting de dingue, hein, parce qu'évidemment Snoop Dogg, vous avez reconnu Snoop sur le morceau. Ouais. Une jeune fille qui s'appelle Tara McDonald. Qui est une anglaise, qui est une compositrice, auteure, chanteuse. J'ai envie de dire bravo là, franchement. Bravo. Tous mes refrains au head. Qui m'avait délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je pleure.

sans pas faire du sale. Marine Monster avec nous et le morceau que vous retrouverez aussi sur l'album des Marine Monster dès lundi dans les bacs. Dès lundi dans les bacs. Gros jeu concours. Alors en novembre, répète le jeu concours vite fait pour que les auditeurs. Alors, grand jeu concours. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui arrivent ce soir qui tombent sur Marine Monster qui disent quoi, un jeu concours. Exactement. Que se passe-t-il? Le jeu concours, l'album est en téléchargement depuis le 20 octobre. Il reste encore 2-3 jours, un truc comme ça. Ah non, là il reste 24 heures, les gars. Il reste 24 heures. 24 heures pour précommander le. Ah oui, bah oui, il reste 24 heures. Pour précommander le projet, tweeter ou instagrammer la capture écran avec l'album précommandé et nous avec le hashtag Marine Monster en Panamera et nous demain soir tirage au sort avec toi Fred. On tire au sort le gagnant. On aura déjà tiré au sort en amont. On tire au sort le gagnant. Et le gagnant. Regarde Ariel, essaye de. On vient le chercher en Panamera. Attends. On vient le chercher en Panamera où qu'il soit. On le fait venir en Panamera, boutique Vortex, 9 rue Ticton, près de chez vous. Bah, juste à côté de la rue derrière. On le rhabille de la tête aux pieds. Ça, c'est un beau cadeau pour fêter la sortie. Hein. Voilà. Donc allez-y, précommande. En plus, j'ai vu que l'album. Décolle. Non, mais non seulement décolle, mais pas cher. Pas cher du tout. On a fait exprès c'est pour un cadeau. Ouais, c'est moins de 8 euros, il me semble, moins de 8 euros. Exactement, moins de 8 euros, c'est ça. Voilà, pour un tour en Panamera, plus être relooké de la tête aux pieds. À un moment donné, on peut pas. C'est bon marché. Je sais pas quoi faire de plus. Adrien, gros brava. Tu proposes quoi? Classe S, jet privé, featuring Snoop Dogg. Allez-y, vous balancez vos messages avec le hashtag Marine Monster sur Skyrock. Dans un instant, on peut le faire maintenant. Aussi, petite session de questions qui nous sont posées par les auditeurs et auditrices de Skyrock. Kevin de Paris 9 qui demande à quand la Monster Partie 2. Quand la Monster Partie 2 prochaine, hein. L'année prochaine sûrement, ouais. C'est ça, l'année prochaine. 2015. Avec des nouveaux artistes, avec plein de choses, plein de nouveautés. Il t'a donné une exclu là, en subliminal. En subli, t'as donné une exclu. Voilà pour Kevin. Samia de Fréjus, où rêveriez-vous de vous produire sur scène? Quelle ville, quel pays, quel endroit? Est-ce qu'il y a un souhait en particulier sur les futures dates de la tournée de Marine Monster? La Kabylie, mon pays, bien c'est sûr. C'est vrai, Kabylie pour toi. Tiziouzou. Tiziouzou, ma gueule. Allez faire un tour chez les cousins là-bas au bled. Belgique. Ouais. Toi qui es très concentré, je sais pas ce que tu fais. Non, t'inquiète pas, je suis en train de. C'est technique, c'est pour la promo, tu vois. C'est la mathématique, ouais. Un endroit pour se produire, un endroit, je sais pas, dans le monde ou en France, quelque part où vous aimeriez être sur scène? Moi, pas très loin entre Madagascar et l'île de la Réunion. Très bien, bah écoute, pas mal. Pas mal. Comme destination, c'est une très belle idée. Tony de Metz qui demande, est-ce que c'est vrai ou faux ce qu'on voit sur le net, un featuring avec Black M en préparation? Non, c'est pas vrai que je sache, mais ça pourrait se faire, bien sûr. Ça pourrait se faire. C'est un grand frère, c'est la même chose. C'est Gim, c'est H Magnum, c'est la même école. Black M qui est en tournée actuellement avec Skyrock, il y a des places à choper tout à l'heure. Inscrivez-vous pour faire tourner la roulette 41-759. Nabila de Bagneux qui demande est-ce que vous êtes célibataire, Nabila. Non, moi je suis marié. On est mariés tous les deux. Ah bah voilà, Nabila, écoute, la réponse est claire, nette et précise. Et Nabila. Enfin, next. Et enfin, Pierre de Lacano. À quoi ressemble une journée type des Marine Monster? Alors hors promo, hein. Hors promo, moi c'est Bédi qui dort toute la journée. Moi je dors toute la journée, je suis au quartier, tu connais, je suis à Drancy, tu connais, posé au calme. Chez moi dans le calme. Play 4. Et par contre pour toi, Yenso? Moi, je dors jusqu'à 15h. Hein. 15h, j'allume la play, le frigo. Et tu te recouches à 18h. Et je me recouche à 18h. Voilà une journée type. Non mais en dehors de ça, je suppose que ça bosse beaucoup. C'est-à-dire qu'on dit ça, mais il y a beaucoup de boulot. Voilà, beaucoup de boulot. Ils sont à l'heure. On réécoute beaucoup nos sons. Pourquoi à l'heure, Aria, t'as un souci dans le rap? Il y a beaucoup de rappeurs qui sont jamais à l'heure, faut dire la vérité à un moment donné. Ouais, oui. C'est vrai qu'on a reçu pas mal de. Ils sont à l'heure. Ouais, c'est vrai. On nous a dit plusieurs fois qu'on était très ponctuels et qu'il fallait le rester, mais. C'est important. C'est très important. Bon, dans un instant, il y aura un gros live. Beaucoup d'invités ce soir dans l'émission. Ouais, beaucoup d'invités. Le côté de la face sombre de Belgique. La face sombre de Belgique, tout simplement. Qu'est-ce qu'on doit d'ailleurs savoir, Yann Slow, le côté de la face sombre de Belgique? Vous allez écouter le solo là. Tellement de choses. C'est trop sombre. C'est sombre. Est-ce que tu veux qu'on le mette maintenant d'ailleurs, le solo? Non, tranquillement. Ouais, tranquillement. Qu'est-ce qu'on passe? On va faire monter la mayonnaise comme il dit. On va mettre J'allume. J'allume la mèche. J'allume. J'allume, ça va avec le concours en plus. J'allume. On va aller sur J'allume. Allez, J'allume, c'est un des gros cartons en ce moment. Même le morceau est en train de. Ouais, il monte bien sur YouTube, ça, j'ai vu. Non, mais on est devant beaucoup de gros noms. Ouais, au calme. Dans le calme. Marine Monster, J'allume. Extrait d'album qui sera dans les bacs lundi 3. J'allume. Bientôt le clip. Restez branchés. Nouvelle exclue. J'allume, la mer, j'allume. un peu différent des autres depuis. Restez connectés, ce soir ça va être le feu. Tout ce que je disais, un sentiment de haine et d'incompréhension m'a follow. Si mon ganems, j'encaisse les torts et passe à moi, sont close toutes tes portes. Arrête-t-il que je suis trop énervé? Un mec propose du taf, s'avance vers moi. Plus que deux jours de pénétrable, ensuite c'est l'album. M'a proposé d'allumer des mères. À la base, ça ne m'en valait pas des masses. Repense en une seconde à ses élèves qui m'insultent, me traînent, puis me tabassent. Décidé de me lancer, ça va pas arder. On m'a dit allume la mèche, éloigne-toi, ça va péter. Coupe de champagne et triplement cadré. Suivi d'un tonnerre d'applaudissements, tout ça parce que j'allume, j'allume, j'allume, j'allume la mèche. Spécial dédicace à mon gars Barakadé. Au bord de la falaise, le blanc. Au bord de la falaise, au bord. Ça fait un moment que je suis dedans. Moi je trouve pas ça embêtant. Les mecs qui me donnent le sourire et savent que je prends pour un passe-temps. C'est vrai que je suis des sont là. Rien à foutre tant que je viens à l'heure. Je vais sauter des villages et des familles au bord de la peur. Et j'en passe. Égoïste, je le suis, un mec sans cœur, pas déçu. Voilà ce que je suis devenu. Aujourd'hui, je rentre plus tôt prévu. Un appel téléphonique m'a surpris, j'ai de suite compris l'imprévu. Une mauvaise nouvelle, j'ai appris, c'est la merde dans mon village. Ça parle de décapitage, je perds son froid dans l'habitacle. À l'arrivée, pétage de câble. Je soulève des débris énormes, des corps amputés, même des morts. Des sables, des jouets de monde, des flammes. Elle est générale. Où est mon gosse? C'est la fin. J'allume la mèche. J'allume la mèche. J'allume la mèche. Je suis au bord de la falaise. Ouais. Au bord de la falaise. Ouais. Au bord de la falaise. Ouais. Au bord. Ouais. Au bord. Le 3 novembre dans les bacs. Marine Monster. Allez le chercher, c'est pas des blagues. On n'a pas blagué avec cet album. Hey. Marine Monster avec nous toute la semaine et ce morceau j'allume la mèche. J'allume la mèche qui est allumée dans le studio hein, aussi. Exactement, ouais, ça commence à se remplir. Tu vois les bails. Le Planète Rap avec Marine Monster, nos invités entre 20 et 21 dans quelques minutes. Il y a du live, un gros live qui se prépare. Combien de personnes de prévues pour l'instant en Belgique? Parce que je voyais que tu faisais les comptes de ton côté. Ouais, je faisais les comptes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, il faut avoir du temps. Il faut prévoir du temps. C'est pour ça que je te laisse faire ça, Fred de Sky, au niveau du timing. Et bah, d'ici 15 minutes, hein, il va falloir qu'on attaque, hein, je vous le dis, les gars. Hein. Juste après mon solo, direct, on attaque. Voilà, après le solo, tu veux dire un mot sur le solo Belgique, justement? Un mot sur le solo, c'est Belgique. Le son, il s'appelle Belgique. Ouais. B-E-D-J-I-K. Voilà. Ça veut tout dire. Ça où veut tu, dire. Où tu te livres. Où je me réveille. C'est sa face cachée, en fait. Ça veut tout dire où je me lève le matin et où je me rendors. C'est tout. On pourrait découvrir ça dans quelques minutes. Est-ce que ça veut dire aussi que, évidemment, la finalité, là, il y a le groupe, mais qu'il y aura des solos par la suite, ou c'est un peu prématuré, là, d'en parler? C'est un peu prématuré, mais c'est on y pense quand même. On y pense, c'est ce qui est normal, quoi, tu vois. Ce qui est normal pour un groupe. Et bah dans un instant, ne bougez pas, on va revenir. On mettra le morceau de Belgique. Il y aura le freestyle par téléphone, inscription 41-759 avec votre prénom, numéro de téléphone, la roulette qui tourne et on revient après ça. Comme toi, Marine Monster a choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Marine Monster avec nous toute la semaine entre 20 et 21. Un gros freestyle qui se prépare là. Coup d'envoi d'ici une petite dizaine de minutes. Tu veux citer quelques noms Belgique qui sera présent en freestyle dans un instant? Qui sera présent? Déjà, on a Geeks La Calage qui est juste là. Il y a Bobigny, Il y a Wormsy aussi du même quartier. L'Abreuvoir, Bobigny, il y a Morphose. Il y a Boop Xénon de la mairie de Drancy. Il y a Snoop Urbal, un mec de chez moi aussi. Il y a aussi le 700 Squad aussi, c'est des gars de chez moi. Il y a El Caïs aussi, un gars de chez moi, à Drancy Nord. Et voilà quoi. J'espère que j'ai pas oublié de blaze. Mais bah, African Spartiate. African Spartiate, excusez-moi. Les gars, les gars sûrs d'enfance. Tu vois, on jouait au bac à sable ensemble et tout, on était bébés et tout. Et ils sont là aujourd'hui, tu vois. La Wami. Amen, la triade, tout ça, t'inquiète. Et bah pas loupé d'ici une dizaine de minutes, coup d'envoi du freestyle. Là, juste avant, on a le freestyle par téléphone à faire. Et puis ton solo maintenant en Belgique. On l'écoute. On le découvre. On le découvre tous ensemble. Allez, c'est parti. C'est extrait de l'album Marine Monster exclu. Maintenant, dans Planète Rap Belgique. Et demain, celui de Slow. Ça va être le feu. 700 squad. 700. BED. Bouge la tête sur la rythmique, j'aimerais que l'on m'explique. Nord, sud, est, ouest, même dans le rap game que des chiens domestiques. Ouais, chaque rame roule un stick. Prince Nord sur le brolic. Carré, triangle, R1, L1, Nicolas Bellic. On m'a souvent répété qu'il fallait que j'arrête de faire le fier. La vie c'est pas un film car ils sérieusement redescendent sur terre. Mais que veux-tu, j'ai un flow de ouf et j'invite quiconque à mieux faire. Viens du 9-3, y'a des moments, il faudrait que j'apprenne à me fier. Je marche à peine sur l'or qu'on veut déjà me plaquer. Le rap c'est comme le corps humain, tu peux pas être parfait. Je vais tout se commencer comme du canard laqué. Comme ça on parlera plus de vous et ça sera bien fait. Je suis rentré dans le game parce que ça m'intéressait. Sur la bleue t'as que des bouteilles de Nessi. Désolé pour vous si je suis précis comme Messi. Regardez-moi bien bande de con, je suis le sensei. Je passe du rêve au cauchemar comme un débit différé. Je passe pas inaperçu alors que je suis différent. Décidément j'ai pas vu les antécédents. Doucement je vais sûrement me mettre à ses dents. Me rends pas ouf durant le ramadan. Tu fais con, je m'occupe de tes dents. Alors faut compris. T'inquiète, on me la combine. T'as mon scud, mets-le, tu vas te faire, fais-le, t'es mort dans le film. Maintenant faut qu'on brille. T'inquiète, on me la combine. T'as mon scud, mets-le, tu vas te faire, fais-le, t'es mort dans le film. Marine, Marine, Marine, Marine, Marine, Marine, dans ton clic il faut step. Marine, Marine, Marine, Marine. Deuxième couplet, un petit gueule. J'ai pris du verre parce que j't'ai ouvert le crâne. Tout ça parce que t'as voulu soulever ma cam. C'est Nord, on fait même bosser Batman. Chez nous, on s'entraîne à tirer sur des Oliver Kahn. J'ai comme l'impression de me perdre. Tous les jours, à force de côtoyer la mer. Je tourne rond tous les jours, j'en ai la gerbe. La vérité, c'est qu'en vérité, niquez vos pères. Sors le tournevis, direction le 32 bis. Hors de question, tu te pisses dessus. Chez nous, pas de novice. C'est signé Mary Monster. Je cours après les ronds comme Rudy Voleur. Saint-Denis, c'est le moteur. La groupie a les yeux figés sur le compteur. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut brancher les gens? Je veux que de belles MC se propagent dans ta région. Non. C'est quand t'as le cafard que tu te fais écraser et que malheureusement, ils jalousent sur la taille de tes gens. Tous les jours, je rencontre des Tommy. Ferme la intercepte le colis. Je suis un Z élevé au couscous. Oui, en moyen du M-Boli. Bah, un bon petit bout. Vas-y, respire un bon petit coup. Je reste solidaire comme Moussa, Bene, Samse, Benji, Gou. On va te faire courir même avec une arme factice. Aujourd'hui, les meufs ont tous le profil d'une actrice. C'est pas le genre de mec à céder à tes caprices. On t'éclate la gueule comme Carter en Patrice. Malheureux qu'on faut compris. T'inquiète, on me la combine. T'as mon scud, mets-le, tu dois te faire, fais-le, t'es mort dans le film. Malheureux qu'on faut compris. T'inquiète, on me la combine. T'as mon scud, mets-le, tu dois te faire, fais-le, t'es mort dans le film. Marine, Marine. Troisième couplet, ma petite gueule, la triade. J'observe le game, débute au monde. No pain, no gain. En bas de chez moi, Vatos, Locos, Al Pacino. Si tu fais le boss, ne parle pas chinois. Tous matrixés par les fris de joie. Trop de soucis, parlez plus de moi. Alcool, bullshit, je laisse ça pour toi. C'est mes Gucci, c'est ma nouvelle voix. J'ai des coups de malade, sur place une alandillade. Pas une garo, si t'en prends ton ballon, c'est que c'est ballon, ballon. Je vous mets en balade, ceci n'est pas une rigolade. Capitaine du bateau, t'as pas la bouche clouée, tu manges des coups de marteau. Bang, bang. Non, je n'écoute pas les gens. Ouais, ça m'arrive de des gens. BEDJIK va les plomber. Tu vas te faire, fais-le, t'es mort dans le film. Procineur, procineur. T'inquiète, on me la combine. T'as mon scud, mets-le, tu vas te faire, fais-le, t'es mort dans le film. Marine, Marine, Monster. Marine, Marine, Monster. Marine, Marine, la violence est gratuite. Ok, ok, ok. BEDJIK, lundi 3 novembre dans les bacs. Drancy North Squad, c'est chaud quoi. À l'instant, le solo de Belgique, c'est extrait de l'album Marine Monster. Ouais, ça c'était le solo. C'était le solo, c'était juste pour mon identité. Vraiment, j'avais besoin de ça. Et Yann Slow aussi, il avait besoin de ça. On a mis chacun nos identités dans l'album. Et puis voilà. Et Yann Slow, ce sera demain soir. Yann Slow, ce sera demain soir, tranquillement. La soirée Yann Slow, à pas louper dans quelques minutes, début du live. Dans quelques minutes, avec beaucoup, beaucoup de monde. Yes. Et faut rappeler deux choses. La dédicace, toujours. Alors, il y a la dédicace, ça ne surtout pas louper. On avait prévu pour le lundi de la sortie. Finalement, ça a été décalé pour le mercredi 5 novembre. Donc, mercredi 5 novembre, c'est en dédicace. C'est en dédicace à la boutique Vortex 9 rue Ticketon. Et demain, 18h, il y a le club Panamera. Exactement. En ligne. Exactement. Ah, bah, demain, c'est une grosse journée parce qu'il y a demain, et il y a le tirage au sort pour le fameux concours. Le fameux concours marin en Panamera. Qui est en cours jusqu'à demain. Yes. On arrête à quelle heure d'ailleurs, c'est bien de le préciser. Demain, moi, juste avant Planète Rap, on va l'arrêter. Voilà, exactement. Juste avant Planète Rap. À 19h pile. Donc le mieux c'est de commander maintenant, comme ça on est sûr. Voilà, jusqu'à demain. Ne pas oublier de faire la capture d'écran, d'envoyer avec le hashtag Marine Monster en Panamera. On avancera le gagnant à la fin du Planète Rap. On accueille Zidkan de Moucron, frontière belge. Ouais, Moucron, ça va bien Zidkan? Ça va, et toi Fred, ça va? En pleine forme, ça fait plaisir de t'avoir. Ouais, merci beaucoup. Ouais, big up au Merci Monster. Merci mon gars. Le son que je viens d'entendre là, Belgique, on se connaît gros. Putain, les mecs, c'est extra lourd. Hein. C'est merde, ma gueule, c'est merde. T'inquiète pas, c'est rien, c'est rien, c'était petit. Ouais, mais je me doute. Et bah merci à toi Zidkan d'être là dans le Planète Rap ce soir. Tu es prêt à rapper? T'as une 30 en freestyle. Une 30 pour tout. Et bah c'est parti. Y'a pas de soucis. Session freestyle par téléphone. Le mec est prêt. Ah ouais. Ok. Yeah. Ok. ZIDKN, Zidkan, Moucron, 7700. Ok. Troisième poumon, tu vas comprendre pourquoi. Oui, jusqu'à 10 secondes, quand moi j'ai resté muet, j'étais occupé de prendre les sous. Nier, parce que t'as fait une base qui va se passer. Pendant ce freestyle, le temps va s'écouler. Car en face de moi, il est conçu, t'as même des tests, t'as pas d'outils, y'a des mecs qui s'observent dans les claques, à la normale pour optimiser. Mais les gens qui t'arrêtent la foutre de là, allume tes baffes, ça va des claques, y'a ouais, lui, sur mon côté, pas nu, tu joues, les mecs, y'a pas de rien avec nous, tu veux compter pas, notre abrosette toute l'année. On finira, crois-moi, sur moi d'après deux sacs, on met une monstre, mais on est souhait. Pendant le frappe sur les gens, viens voir avec les gens, les gens d'un constat, la sorte avec le chez moi, avec les gens, j'avoue, là, les frangins, il est une fois qu'à faire les dents pour te fracasser les dents, de Belgique, moi, rajouter sans ça. Ce n'est pas fini, t'es timide, arrête tes cliniques, c'est les mecs qui trippent, bip, voilà le bruit d'intercession auditif. On dit quoi, sont tes barres, tout tu vas faire quoi, les gueules, je les écrase, tout ce qui c'est gratuit, bah, moi tous mes gueules, ce cul le bec, j'envoie mes becs, c'est peut-être, j'ai trop la haine, que tu vas faire, c'est si dégagé, c'est pour câble, les plus, c'est vrai, c'est mec, pour finir en beauté, demande à Belgique, s'il te plaît, c'est une faveur, le coup de tout à l'heure a trop d'valeur, c'est vrai, c'est crête ta peur, et par ma soeur, et ça fera un gros défait, il est bien aimé, et je te comprends pas pour t'occuper, c'est parce que t'as pas fait, je n'ai pas, je te donne, comment pourquoi t'as quitté, le mec ne respire pas. Yeah, la vérité sort de la bouche du malon. Ça dépend lesquels. Avec le bouquin, un jour, ça restera, t'en auras des séquelles. C'est quel chemin qui convient le mieux? Mentalité, âgée, même jeu, je marche, agis comme un vieux. Et crois pas, tu as ce stade-là et sors pas. Des phrases de manigance, ça fout la vie pour toi. Tu sais pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. Compare pas, une vitesse de ouf avec une lendemain. Ça a rien à voir, ça veut dire que t'es aveugle. Mais ça t'empêche pas de te la bouffer. Mais si tu l'as vu arriver en pleine gueule, j'ai rien de rien entendu, rien dit. Les trois meilleurs gestes que je te conseille de claquer dans ta vie, dis c'est précis. Je dis toujours, mais c'est précis. Le moment il va m'appeler. Ouais, il voulait pas s'arrêter. Mais le mec à la dalle. Il nous avait promis un troisième poumon et un quatrième. C'est rare que le gong sonne, hein. C'est rare que le gong sonne. Ouais. Ah ben on l'arrêtait plus. Désolé. Bah non, c'était bien. T'as pas été désolé. Bravo, merci à toi surtout. Tu n'as pas chié. Y a pas de soucis. Est-ce que je peux passer des dédicaces? Bah bien sûr, vas-y. Et puis surtout dire des liens, donner des liens où on peut écouter tes sons. Ouais, bah déjà les liens. On va commencer les liens. En fait, vous pouvez me retrouver partout. Donc Zidkan, donc Z-I-D-K-N, ça peut être sur Facebook, Twitter, YouTube et bientôt Instagram. Zidkan. Et j'ai un gros projet qui arrive par la suite, mais ça on verra plus tard. Par contre je voulais balancer les dédicaces si ça vous dérange pas. Vas-y on t'écoute. Bon, dédicace à Smaïn, Anas, Yacine, Diez, Nolan, Polak, Kato, Ruti, Joe, tous ceux qui me soutiennent, j'ai oublié 7700 Moucron, c'est à la frontière, c'est à la frontière belge. Frontière belge, ouais, Moucron. Originaire de Lyon, mais ça, le rap vient de Belgique. Donc voilà, big up à THS Design, à Sirs, et voilà ce que j'ai oublié, et big up au Merwin Monster. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Eh ben, merci à toi, merci à toi en tout cas. Merci à toi Zidkan et bon courage pour la suite. À l'instant, le freestyle par téléphone. Avant de passer justement au live dans quelques minutes, je crois qu'on a une petite surprise qui va arriver. On va rappeler quand même 2-3 choses. Surprise, ouais. On va quand même rappeler 2-3 choses. C'est que la bonne Marine Monster, il arrive lundi dans les bacs. Il y a aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des précommandes, mais qu'il y a une version collector aussi de cet album. Chez Leclerc. À pas louper avec t-shirt. T-shirt Vortex, à moins de 20 balles, t-shirt Vortex, l'album. C'est une collection limitée. Alors faut y aller quoi. Et bah allez-y à partir de lundi. Rappelle-nous aussi les noms des gens qui vont passer au Freestyle Belgique s'il te plaît. Ouais, alors on a African Spartiate, La Triade, Nawami, on a Urbal, Morphose, Boub Xénon de la mairie de Drancy, on a le 700 Squad, on a le Caïs, on a Wormsty. Et voilà. Et donc nous avons une petite surprise par téléphone. Une surprise, ouais. Une grosse surprise même par téléphone. Je crois que c'est alors peut-être quelques minutes avant de monter sur scène où il y a peut-être jour de repos ce soir. On va lui demander. Black M est là avec nous. Ouais. Ouais. Blacky. Ouais, je l'équipe les monsters. Bien ça quoi, va Black M. Bien et vous. Ouais, t'es où là? T'es où gros? Je vois des vidéos, c'est en train de couper décalé. C'est quoi l'ambiance? Non, arrête gros. On est où là? Ils savent même plus. Ils savent même pas. Tellement de dates. On est à Rennes. Le man ne sait pas où. On est à Rennes. Ouais, les gars, bien ou quoi, les gars? Ça se passe. Juste un petit mot. Juste un petit mot, Black M, sur la tournée. J'ai vu des vidéos, moi, ça a l'air de se passer une ambiance de feu hein, sur la tournée. Ouais, bah ça se passe super bien. Ouais, j'ai l'impression. Eh non, on a qu'un truc à dire, gros. J'allume la mer. Les yeux plus gros que le monde. Ça arrive bientôt au mois de novembre. Vous êtes quoi, quelques minutes avant de monter sur scène, là, Black M, Shinseken? On est à 10-15 minutes. Et vous avez pris le temps de passer un petit coup de fil au Marine Monster. Bien vu, Black. Exactement. Eh, mais attends, laisse-moi placer un petit mot sur les Marines, s'il te plaît. Vas-y. J'ai écouté la plupart des morceaux et j'ai été vraiment surpris par le truc. Parce que pour moi, ça fait pas longtemps, ça fait pas très longtemps, ils rappent quand même. Et en peu de temps, ils ont assimilé un niveau de barge. Merci ma gueule. Beau compliment. Je tenais à complimenter Bedjik et Yanslo parce que vraiment ils ont fait le taf. J'étais surpris sur le projet. Bah quelqu'un qui vous a vu grandir, hein, Black aussi. Merci Hambo. Merci Black. Qui vous a suivi. Lourd les mecs. Lourd. Bon, on va te laisser monter sur scène, en tout cas, et ambiancer Rennes, comme a priori sur toutes les dates de la tournée. Il y aura des places à choper pour Black M dans quelques minutes à la roulette. Merci Black M, merci Shinseki. Et dis bien à Dadj. Oh. Vas-y. Merci à tous ceux qui sont avec toi et bonne tournée surtout. Voilà, grosse tournée. On t'attend bientôt dans le PDF. Allez, pécho, le CD des Marines, c'est les meilleurs. Bien vu, ma gueule. Merci à Black M, sympa en tout cas, parce qu'il est en tournée. Il va monter sur scène dans quelques minutes. Pris le temps et puis un beau compliment pour vous. C'est super gentil. Bah, comme je te disais, il nous a vu grandir, hein, comme tous les autres. Il se devait un peu de nous donner cette force-là. Mais rien n'est jamais acquis, donc voilà. Rien n'est jamais acquis. Toujours. Est-ce que tout le monde est prêt pour le live maintenant? Je pense que tout le monde est prêt. Est-ce qu'il y a du monde? Maître de Sky, aujourd'hui, ça va kicker sale. Eh bah, Belgique, je te laisse ambiancer. C'est parti, coup d'envoi. On commence avec African Spartiate, c'est bon? La triade. Nawami. African Spartiate, Nawami. Souka, Lucas, Nino. On est ensemble, la famille 4-0. Monstre marin, 8-3 novembre dans les bacs. Dans les bacs, Ken Spartiate, la triade, Nawame. On va vous forcer le respect. On va vous forcer le respect. Libéré Doumsi. Luce Camel aussi. Libéré Doumsi. Luce Camel aussi. Profitez-en parce que bientôt la triade arrive. Bang bang. Profitez-en parce que bientôt la triade arrive. Bang bang. Profitez-en parce que bientôt Nawami arrive. Profitez-en parce que bientôt le 9-1 arrive. La vie est une punchline, je teste le poids de mes phrases et mes rimes en kilo. Mes amis s'écroulent, mes années s'écoulent comme l'encre noire de mon stylo. Sans lance Arbi, négro, cocaïne, danger, t'en es à la frontière. Avec mon poteau Mohamed, on fait plus de buzz qu'une photo Mera. Je n'aime pas les skills, je n'aime pas les stupes. Pour un pas des styles, pour un pas des styles. Ils veulent de nos terres, on les nique, leur mère libérée Palestine. Libérée Palestine. De 300 proies, je les broie, je veux la gloire comme Achille dans 3. Comme Achille dans 3. African Spartiate, 4-8-0, force de frappe, Terminator 3. Négro, je fais mon buzz, le retour du buzz. J'ai pas tourné ma veste, je t'achète en personne. sa couleur, casse ses phénomènes, mais plutôt du genre dièse, zéro dièse. Son méga casse tous tes matons à la prise, on freine, plus rien qui nous freine. Le Val d'hier, j'ai tranquillisé sa mère. En direct de Skyrock, je suis schizophrène. Mon rêve c'est des pétards, mon rêve c'est des pétards. Ça tisse, ça nique, ça pétasse, trafic de pétards. Yeah, yeah, contrôle les débats. Le reste c'est des pétasses, le reste c'est des pétasses. Un rat, niquez vos mères, vos briques de jus, vos pâtes, dans vos auditions, vos cellules. La juge t'a mis 9 mois ferme, heureusement qu'on a tous à la misère. Ramène un bitch de jacquage quand t'as jamais vu. Pendant que les autres ils font la taille quand t'as jamais vu. Toi tu parles de kick et sale mais t'as jamais su le faire. Faut le flair, faut se taire et tu seras pas dessus. Il est temps de devenir des piliers, j'ai plus de fil à tordre. Vu que je les ai pliés, les pliés, les pliés. Ils en ont l'air à tort, ils m'entendent les pliés mordu. Un peu de silence. Bien sûr qu'on veut voir grimper nos finances. Je suis dans la surface, ma gueule m'a dit pas marder. Prends ma bouton dès que tu prends du poing, viens te rater. Toc toc toc, j'ai la dette. Est-ce qu'on me parle de fils et la tête? Je vais leur briser la rêve, je vais le faire, je peux te le jurer. Ils font pas leur rêve, et à nouveau se mesurer. Mauvais train de vie comme un déporté. Couteau va, je suis débordé. Te vont venir au loin nous aborder. Sous la mette au violon pour l'accorder. Équipe de bronzés, mais le quartier c'est pas la plage. Et si je vous marque tous, c'est que je suis sûrement à la page. Désolé de pas vu, la gêne à la bouche, j'ai pas vous faire de pas vu. On va vous forcer le respect, on va forcer le respect, on va vous la serrer, vous la serrer. On va vous forcer le respect, on va forcer le respect, on va vous la serrer, vous la serrer. On va vous forcer le respect, on va forcer le respect, on va vous la serrer, vous la serrer. On va vous forcer le respect, on va vous la serrer. Viens là, qu'on s'explique. Viens là, qu'on s'explique. Garantir sa confiance, ça me fait en chaleur. À chaque fois qu'on s'explique, à chaque fois qu'on s'explique. Ta tête bouge tes lobes, bouge ta tête, bouge tes lobes. Comme on bouge la tête, ça la bouche à mes chances. Peu importe où te font que venez à 30, vous avez le poing, j'ai le globe. J'ai le poing, j'ai le globe. Toujours en avance sur la tendance. Tendance. Tu vois, chaque c'est Gino. Gino. La Satariana, à Beyoncé, Kardashian, le Moria et à Gino. On attire toutes sortes de rapis. C'est avec toutes sortes de rapis. Dans un bourbier, Ganda ou Magi. Comme les incous du degré, c'est pas le même. Mais on veut tous faire du papier. Papier, papier. Bon, ton sache, tu viens pas de la rue. Même si t'as des lunettes quartier. Quartier, quartier. Ta tête bouge tes locks. Bouge ta tête, bouge tes locks. Veste ton jean, veste ton front. Veste ton jean, veste ton front. M, N, K, M. Le reste, motherfucker. Nique les francs-maçons. Nique les francs-maçons. Première sommation. Première sommation. Consommation. Depuis on frappe insolation. Insolation. On vous force le respect. On vous force le respect. Vous la serrez. Vous la serrez. Ça vaut pas une vie, Hugo. Si tu l'as pas serré. Tu voudrais qu'on se noie. Tu voudrais qu'on se noie. On a macéré. On a macéré. De s'insérer. Libérer les incarcérés. Je marche dans mon quartier comme un boss. Boss. Avec des mecs étranges. Étranges. Je suis parasite des guerres. Gros, j'ai une arme blanche. Tu déguises à 10h. 10h. Débile dans le viseur. Viseur. Bouillettrice bizarre égale. Perquis à 6h. 6h. Les bêtises de ta petite sœur. Teacher. T'as gonflé sous son t-shirt. Okay. Il s'est fait passer pour son pote. Tu sors, t'allumes ce t-shirt. Avant, on était sous Sky. Maintenant, on est sous Sky. Avant, on était sous Sky. Sous Sky. Maintenant, on est sous Sky. Maintenant, on est sous Sky. Avant, on était sous Sky. Maintenant, on est sous Sky. Maintenant, on est sous Sky. Avant, maintenant, on est sur Sky. T'imagines même pas tout ce qu'on pourrait vous faire. Braquet tiré, je connais tous ceux qui l'ont déjà fait. Directeur demande monsieur que voulez-vous faire. De toute façon, j'ai pas le choix donc. Allez vous faire. J'suis dans la demeure, c'est mes initiales qui me l'ont dit. Pourtant, mes parents me disent, n'écoute pas les ondes. Mais depuis, j'ai grandi. Je traîne avec des bandits. J'ai pas de meilleurs, mais je fais la guerre. Un peu comme Gandhi. On veut des milliards ici, les gens nous fait mourir. Le bon, les meilleurs, les bandits, c'est pas comme des fourmis. Makoto. J'avais des personnes, ça danse ta porte. 4-8. Zéro sur mon compte à part, même si les patrons nous empochent, j'en fais qu'un adulte qu'ils empochent. Yo, je te rappelle pour te jurer. Passons-nous de la 9 à 12 mesures. Mais négro c'est comment? Mais négro c'est comment? Des photos et comment? Obligé de leur mettre des gros coups de rap pour que ces pétasses n'oublient jamais. Mais c'est moi qui les commande. Toi qui les commande. Faut arrête. Chiche après sur la gomme et le pastis. La gomme et le pastis. N'aura pas de pitié, tu l'as vu dans le quartier. Les armes ne sont pas factices. Les armes ne sont pas factices. Même chorégraphie. Que Dieu me pardonne. J'ai déchiré une échographie. On perd des hommes et on perd des hommes. On se remplit les poches et on perd des proches. Moi pas de respect, y'a pas de novice. Crois, joie, peu, rien nocif. Sur le terre-terre, on attend nos fils. Dieu me protège, mes gars aussi. Sans meuf de bœuf, 6,50. Juste à côté, j'ai mon 6,35. Les gars peuvent débarquer, assiste à porte. T'atterris pour ces années, au D5. Quoi? Quoi? Ça va, tu te drogues pas? Croque pas. J'ai la même franc que papa. Croque pas. Tu traînes avec lui, mais tu ne croques pas. Croque pas. Et t'as mis une roca, ça me choque pas. Choque pas. Silence de mort. c'est normal de faire le deuil. De faire le deuil. Un aveugle, s'il peut dormir que d'un œil. Que d'un œil. Rafalé, ta langue bien pendue, tu vas la ravaler. Je te fais marcher, tu vas cavaler. T'as commencé à sucer, tu vas avaler. C'est validé. Mon triade musique validé. Les spartiates musique validé. Western validé. Validé. Break the sky validé. Break the sky validé. Marie Monster validé. Quartier validé. Fini gigant, digue, digue, zéro, les bouches d'Allemagne et X en ensemble. Merci les gens. Merci les gens. Monster, on est ensemble. Allez, petit. Ouais. J'ai la brezou, poteau. Popoche. Il faut la calache. Bang, bang. Ouais, on va ma gaïa. Ouais, papy. Bang. Ouais, Joao Ni. J'ai le calache. Bang. Louche. C'est la brezou. Un peu zoom. Un kicks. Ouais. C'est ça ou pas? Ok. On les pèse. Laisse-les parler. J'arrive en balle. J'ai le calage. Je vais les avaler. Les faire cavaler. J'ai le calage. Bang. J'ai le calage. Papoche 9-3. J'ai le calage. Rata. J'ai le calage. J'arrive dans le game pour les caler. Celui qui veut rivaliser n'est pas né. Les attends au tournant depuis des années. Ouais, je suis prêt. On a chaud, pas dans la tête, à quoi sert ton papa? Passe ton test, faut quitter la Ligue. À la pour crier, ne parle pas. On gère le réseau, obligé de téléphoner. La veuve est détaillée, c'est le fan. On a grandi dans le zoo, des viserais, on les connaît. Chez nous, c'est tout qui passe après la monnaie. Je leur fais un film de cul. C'est trop de bruit, tu appelles une porte. On fait dans ce cul. On a le coup du haïs, prends le taureau par les cornes. T'as pu me croiser, ramasser. Le lit s'est calé sous le pute de moi d'Azé. Coulis partout, t'as gêné partout. Bitch, et tu vas t'écraser. A ma droite, les bras tombés. A ma gauche, viens de moi. Un conseil, faut que tu coupes. Si tu laisses sur la feuille de main. J'ai 50k, I need money. Sur la mixtape au chéquier, je vais les traumatiser. GLK, et pour être talent. Mais sachez qu'il n'a jamais utilisé. Laisse les parler. J'arrive en balle, GLK. Je vais les avaler. Dans le game pour les canets. Dis-moi qui va séparer. Celui qui va rivaliser les panets. Les attends au tournant depuis des années. Noir à coup pas tes exploits. Sur la gâchette y'a mon index. Dans la rayon et reste droit. 47 rues à la casse si tu m'en adresses toi. Car ce qui nous reste droit. Toujours insulté de temps. Les groupes se mordent pas à l'hameçon. T'as menti devant la du déposer le promis. C'est ta frappe comme promis. T'as vendu de 3 grammes, tu prends pour Tony. Mais allez, casse-toi dedans. Tu m'en dis pas, voilà. Faut les baiser. Les bras à la dent, voilà. Faut que vous sachiez. Vous les croyez fâchés, vous les arrachez. On part au lessager, j'ai pas le temps, fais pas chier. Si t'as 1 million, à la gaze, le son de parfum. T'as nourri ces millions, normalisé, pour qui qu'ils ont la vue. Laisse les parler, live en balle, j'ai le calage. Je vais les avaler, les faire cavaler. J'ai le calage, bang, j'ai le calage, papa, 9-3, j'ai le calage, rata. C'est la brezou, Rayco. J'arrive dans le game pour les canets. Le centre, ma gueule. Dis-moi qui va se canner. Dis-moi qui va séparer. Celui qui fait rivaliser n'est pas né. J'ai ça tout le temps depuis des années. C'est mon respect que tu vas gagner. Ouais, c'est comme ça. Merci ma gueule, voilà ta...

Premier couplet, tu veux une parole d'homme. Faut croire en Dieu avant de croire en l'homme. Pour l'instant c'est le chétan qui a barbé la zone. L'homme est devenu pire que Sadomaso. Y'a des frères et des sœurs qui se pètent les naseaux. Manque d'argent transforme en casseau. Le mieux c'est de gérer la pression. Pas trop laisser monter la sauce. Je te parle en connaissance de cause. Moi la mort et la justice m'ont enlevé mes meilleurs assos. Pour toi ce contraire n'est grandi au milieu des couches tard. À cause d'une grosse bécane, d'une liasse ou juste à cause d'un petit coup de chlasse. Tu tombes par terre, tu cannes et ton âme se casse. Même pas eu le temps de comprendre ce qui se passe. La morale c'est que le droit chemin, c'est bien, et que la rue c'est bad. Mais le problème c'est qu'il y a rien qui les sépare. Même si les darons nous avaient prévenus depuis le départ, on s'obstine à faire les bâches. Comme si le diable nous avait passé la bague. Comme si on avait tous signé un pacte. Je sais pas, en tout cas mon cerveau ne s'en est pas sorti intact. Comme si on avait signé un pacte. Comme si le diable nous avait passé la bague. Je sais pas, en tout cas mon cerveau ne s'en est pas sorti intact. Le diable m'a sorti le grand jeu. Chaque jour, chaque soir, il me branche. Mon train de vie devient étrange. Faut que je réveille ma foi en Dieu. Car dans le fond, je sais qu'elle est grande. Non, je vais pas attendre de toucher le fond. Comme dans le grand bleu, le chétan m'a sorti le grand jeu. Chaque jour, chaque soir, il me branche. Mon train de vie devient étrange. Faut que je réveille ma foi en Dieu. Car dans le fond, je sais qu'elle est grande. Non, je vais pas attendre de toucher le fond. Comme dans le grand bleu. Spirale, prod, mon pote. Ça va faire la main quand mon truc garde des constats. Pour l'instant, je stream, je suis loin d'un avenir radio sur la costa. La faute à qui si aujourd'hui le pays a l'air d'un tout squat. Je déplore le fruit d'une jeunesse au tapis privé d'éducation comme d'espoir. La haine se cache derrière les a priori des ch'tards. Tu peux le voir sur ma gueule que c'est du bas de l'échelle que je pars. Tu sens taf pour la plupart, on mène une routine de couche tard. Sont loin de savoir que les armées cachées à quoi elles nous poussent car on passe d'un extrême à l'autre. La dame nous cible, c'est bien pour ça que ça gratte jusqu'à l'aube. Ma spine ne se trouve pas loin, je la grâce. À chaque fois que je barote, y'a comme un air de déjà vu comme dans le discours des charclos dans le trône. Je suis pas un saint, mais loin des méfaits, c'est Jean Pro. D-Y-N-O-R. Je m'instaure ces fluides comme leurs pots de vin sous la table. Après tant d'années de répit, pour faire face au vacarme. Je suis la preuve par un plus spec dans le rap, y'a pas que des racailles. Mais je rêve quand même de raser l'or réalisé d'une frappe à la palme. Aucun doute là-dessus, dans nos esprits s'éloignent. L'avenir avance à grands pas tandis que la jeunesse s'éloigne. T'as entendu parler du DY en effet c'est WAM. J'annonce moi à Paris pour donner joie mais aussi verser ses larmes. Je fais mon job, je joue mon rôle mais pour accéder au succès je trafiquerai pas mon scénar. Just a baby, just a child from baby low. I'm just a baby, just a child from baby. Marine Monster, Beijing, en slow. Ouais. Calme mon pote. Je m'en pose ma gueule. Branché 93700 mon pote. Oh, yeah. Si. Ouais, je suis sûr, moi je suis un autre. C'est comment Wormsty? Voilà ma gueule. Hey. C'est comment Wormsty? Il y a la brode. Oh. Et ce soir, on les baise, on recommence. La brode. 93, NLSB, lundi dans les bacs, NG, Next Level, Soldarty, Brooks. J'suis défoncé, défoncé. Je suis le chef du réseau, chef du réseau. J'aurais tous les noyés comme ma mère a perdu les os. Je suis dans la cité, donc qu'on a restouté. Fuck, j'vais les découper comme un kill de frappe en un couplet. Mon Glock veut le clash à Rihanna. Rihanna, à la rigueur, c'est tapiné, ça touche. Mes bandits sont sortis. Quand la berbe n'est pas là, je veux de l'or en 24 carats. Tire, tu sauras changer les carreaux. Tire, la merde pour la coco. Tire, je peux pas finir sur le barreau. Tu veux des modes de luxe, hein. Style rouge de bois. Un bon, ferme ta gueule. Va plutôt me faire une grosse chambre. One style, c'est pas moi, tu kiffes, hein. Tu kiffes mon côté ou voix. Et noir, ça ne rappe pas. La chanson 63, Reitos. Frais comme une nouvelle paire de Jojo. Jojo. Chacun sa mère comme le froc d'un clodo. Tire, tire. Dans le studio ou bien au dépôt. Au dépôt. J'rappe tellement lourd. En plus c'est de l'impro. Reitos. Mon son se propage comme le Das. Das. Mon son se propage comme le Das. Das. Mon son se propage comme le Das. Il veut veulent me rattraper, ils sont nos tasses. Appelle ton marabout. Tu fais des kills de frappe et moi j'encule la trappe. Je donne pas ma force aux gens à loup. J'ai besoin des tarifs, des rimes. Mec de la bague, on vit dans la rue et toi au bois. Nerf t'es faible qu'on enchaîne. On avance la perte et t'as pas le choix. Donne la chauffeur ou bien t'enferme. En bois de 7, c'est plus un gamin, c'est le PMU. C'est le PMU. La gâchette, à prendre ton oseille, c'était pas revenu. C'était pas revenu. La levrette, c'est pas de l'amour quand c'est pas le cul. Même cul. J'fais pas dans la dentelle. J'fais de l'art de rue. Hein, c'est le moment de dire pull up, c'est trop lourd. Sors là ton neveu. Raytos. J'fais le joueur, pas de la camelot. J'suis pas comme eux. Raytos. Laisse-les brailler comme des poules. Dans leur front, y'a des œufs. Des Z, des BZ. J'suis relié avec un Z62. Mon son se propage comme le Das, Das. Mon son se propage comme le Das. Mon son se propage comme le Das. Tireur, ils veulent nous rattraper. Ils sont le Das. 9-3. Das, allez les frérots. 9 Das. Allez, allez, allez, allez. Das. Das. Les élèves, MC. Das. NG, MC. Bobosh. Das. MC, MC. Das. Qui Bobosh, Bobosh. Das. Hey, tu es Marine Monster. Aïe, ma gueule. Prends du bâtiment. Les frérots, faites un maximum de bruit pour Belgique. C'est pas normal. Ouais, c'est ton squad. Faut la réponse. Voilà, vas-y. Vas-y, vas-y. Mais balance, balance. Hey, Caïs. Entre 20 et 21 sur Skyrock, c'était et du monde en tout cas pour le freestyle dans Planet Rap avec Belgique qui a rassemblé beaucoup de monde dans le Planet Rap consacré au Marine Monster. On fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la première tournée de Black M dans toute la France. Erwanel d'Angoulême, ça va bien Erwanel? Ça va très bien et toi? En pleine forme, écoute, mouvementé, agité pour ce freestyle dans Planet Rap. Erwanel, bienvenue du côté d'Angoulême. Tu as entendu, on a eu Black M aussi tout à l'heure qui est en grosse tournée un peu partout dans toute la France. Ah oui, j'ai entendu. Tu viens choper tes places. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi. C'est la tournée Black M, deux places pour aller voir Black M en tournée dans toute la France. Et entendu, il y a du monde avec Black M, il y a Maska, il y a Shinsekai qui est aussi avec nous entre 20h et 21h sur Skyrock. Merci, on te fait des bisous. Merci beaucoup. Ciao, ciao, passez une bonne soirée. Merci vous aussi. Merci au Marine Monster. Yanslo, il est passé au Belgique, on l'a perdu. C'était sa soirée pourtant ce soir entre 20 et 21h. C'était Delsbeul ou pas? C'était Delsbeul ce soir ou pas? Il y avait du monde surtout. Ah oui. Il y avait beaucoup beaucoup de monde dans le freestyle. Demain ce sera ton tour Yanslo. Donc il y aura qui? Des gens du Nine? Que du genre du Nine. Que des gens du Nine qu'on pourra découvrir. On va rappeler 2-3 choses. C'est que l'album il sort lundi. Évidemment précommande. Attention, il vous reste plus que quelques heures maintenant pour partir en Panamera. Bien sûr, jusqu'à demain. Jusqu'à demain il y aura tirage au sort. On rappelle que c'est simple, hein. Vous précommandez l'album, capture d'écran. Capture d'écran, tweetez ou instagrammez avec le hashtag Marine Monster en Panamera. On vient vous chercher en Panamera, direction la boutique Vortex, 9 rue Ticton. On vous ravit de la tête aux pieds. Marine Monster en Panamera. Donc dépêchez-vous, c'est jusqu'à demain, juste avant le coup d'envoi de l'émission. Et nous, on se retrouve demain, un petit peu avant 20h, sur Skyrock, à pas louper, le Planet Rap, avec Marine Monster, de retour 20-21. Belgique, je sais pas où il est passé. Perdu Belgique. On a perdu Belgique. On a perdu Belgique. Il a glissé vers le fond. Il a glissé vers le fond du Planet Rap. Et là, on va retrouver la radio libre de Difool. Toute l'équipe, vous êtes là? Ouais, Fredo. Yes. On est là, on est là. Yeah. Ouais, tous présents. Et Planet Rap, de retour. Demain sur Skyrock. Demain 20h21h. Et, ouais, et là, attention, on se prépare une grosse soirée de la suédoise dans l'émission. Oui, de la suédoise dans l'émission. Une embrouille, ça, bon, comme on l'aime, avec Cédric le Belge. Ouais. C'est une des meilleures embrouilles, mais on en parle tout de suite. C'est une mise à l'amende totale, mais vous allez voir. Et puis, le problème du mois, de retour tout de suite sur Skyrock. La radio libre démarre dans dans un instant. À demain, Fred. Ciao. À demain, ciao. Tous les matins sur Skyrock.